Père céleste et saint, nous nous inclinons devant toi en toute humilité et simplicité pour t'adorer et te glorifier de toutes les merveilles que tu nous cesses d'accomplir, des miracles sans nombre, innombrables que ta main ne cesse d'accomplir sur la terre, les yeux voient, les oreilles entendent, notre bouche en parle, nos mains parlent pour certaines de ces merveilles, car tu es un Dieu infiniment grand. Louange et honneur à ton Saint-Nom. Gloire à ton royaume éternel, royaume inébranlable, invincible, royaume du Dieu immortel, par lequel nous sommes protégés, par lequel nous sommes délivrés, par lequel nous avons le salut et la guérison divine, par lequel nous avons la fortification et la consolation dans les épreuves et les afflictions les plus compliquées. Seigneur, tu es Dieu incomparable et tu mérites le meilleur de notre part. Reçois nos remerciements, reçois nos acclamations, reçois nos louanges, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu incomparable qui mérite le meilleur de notre part. Et nous sommes venus ici pour toi, pour te rendre cet hommage, pour t'adorer et te servir, pour t'écouter et t'obéir. Pardonne nos péchés, toute culpabilité. Pardonne nos erreurs et fautes. Change-nous à ton image. Nous voulons refléter Jésus-Christ, être le véritable panneau publicitaire pour sa cause. Bénis la reine de ce soir. Reçois les chants des louanges, les prières et les supplications, tout ce que nous t'apportons, Seigneur, les dons et les offrandes. Et tout, agrée cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et avec joie, conduis cette réunion jusqu'à la fin au Père, et que chacun tire la meilleure part de cela, la bonne portion de sa part. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Zacharie, chapitre 12. Là, nous prenons le verset 10 jusqu'au verset 12. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont pressé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. Ikolo na ndako na natana na isika na bango mpe basi na bango na isika na bango. Acte des apôtres chapitre 1er. Misala na bantu mo kapo ya yambo. Verset 10 et 11. Nzela kotanga zoni mpe zoni na moko. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes venus de vêtus de blanc les apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nano esala ki bango kotala wana ekeyi na likolo bazala ki kotala pimpe batomi bale bakoni kotela male pai na bango balati bilamba pembe pe balobi ete libale na Galilei. Botelemi kotala kana likolo mpona nini? Yesu oyo moko, oyo alongwe na bino kokamatama na likolo, Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Tala, asali koya na bapata, ta miso nyonso, ma kota la ye ata bango batobola kiye. Mpe ma bota nyonso nanse bakolela nantina na ye, ye, bobele bongo. Ngai nazali alifa mpe omeka. Mkolo nzambe alobibongo ye oyo azali mpe azala kimpe akozala. Oyo nangoya nyonso. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Souhaitons à chaque âme la bienvenue à la table du Seigneur qui est présent pour alimenter notre être intérieur, pour les nourrir et les rendre plus forts. Parce que chaque fois qu'on mange, on attrape des énergies. Et c'est pour affronter les batailles et les différents défis. Sommes-nous dans la joie d'être ici? Avons-nous le zèle de la maison de Dieu? La joie d'être présent à l'église. Il faut que cette joie se fasse sentir. Ce n'est pas bon d'aller à l'église malgré nous. On vient là en traînant les pieds, avalant les bras, tout fatigué, démotivé. Et puis on s'assoit malgré soi. Et on s'assoit en s'ennuyant par moments. Et Dieu t'observe. Sois dans la joie dans la maison de Dieu. Car la joie du Seigneur, c'est notre force. Le dimanche dernier, la prédication a commencé par ça. Et aujourd'hui, voilà que le Saint-Esprit nous ramène encore un peu là. Nous devons être dans la joie devant Dieu. Quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Le visage est rayonnant de joie. Il faut que notre visage rayonne. Mon visage doit rayonner. Des fois, nous affichons une mauvaise mine. Inconsciemment. C'est-à-dire, quand nous écoutons trop nos soucis, nos inquiétudes, ça déforme même le visage pendant qu'on n'y prend pas garde. Et si quelqu'un des fois n'est pas à côté pour lui, hey, pour te veiller un peu. Tu vas rester toujours le visage déformé, tant que tu ne puisses pas rendre compte. Voyez, ici, même quand on est dans les moments de jeûne, le Seigneur nous a appris à ne pas afficher un mauvais air. Dans Matthieu chapitre 6 ici, il est écrit au verset 16 à 18, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, c'est interdit. Il faut pas voilà qui sait que mutu ya pas na mawa nyoso mukilio ya za la raison de yo soki bokotila kabilo yi hokanga bilongilo kola bakosite car tu ne gênes pas pour que les hommes te voient mais tu gênes pour que Dieu t'entende. Vous voyez pas qu'il n'est pas un homme ayo kayo et ce n'est pas les apparences qui comptent pour Dieu mais c'est l'état du cœur. Dieu a dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Les vêtements, vous les portez dehors, mais vos cœurs sont cachés dedans. Et Dieu prend plaisir à un cœur brisé. C'est pas un visage abattu. Attristé. Dieu prend plaisir à un cœur brisé. Dieu prend plaisir à un esprit contrit. Voilà les sacrifices qui lui sont agréables. Parenthèse ici, voyez dans le psaume 51, cette parole demeure éternellement. Verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce que Dieu veut voir, c'est ça. Un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. Même si le dehors donnerait une autre apparence. Oui. Dieu veut voir l'état du cœur. Voilà. Qu'il en soit ici. Alors nous retournons dans Matthieu 6. Lorsque vous jeûnez, vous les chrétiens, vous les disciples de la parole, disciples de Jésus-Christ, la parole de votre temps. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. C'est comme quand Frévanam lui se prépare, il dit, mais il y a de ces gens-là qui veulent donner toujours l'impression aux autres. Quand même ils jeûnent, ils veulent se faire remarquer auprès des gens. Et puis il dit, oh je suis en train de jeûner, j'ai perdu 8 kilos. Et il en parle même comme ça, il a perdu 8 kilos. Personne n'est obligé de jeûner. Et voilà que pendant le jeûne, au lieu de te préoccuper que Dieu t'écoute, tu es préoccupé par les poids que tu as perdu. Ce dont tu parles aux autres, ce n'est pas de la réponse de Dieu qu'il va te donner, mais c'est du fait que tu as perdu 8 kilos, tu as perdu 15 kilos. Et ça te préoccupe tellement. Mais à ce moment-là, ce sont les hommes qui vous trouveront déjà spécial et ils vous récompensent par des regards d'admiration. Par leur regard chargé d'admiration, ils diront, mais tu es un grand chrétien, vraiment. Tu peux gêner jusqu'à perdre 15 kilos. Ah, en tout cas, nana, vous avez eu vraiment mon Christ, mon néné. Et là, tu es récompensé par les hommes et non par Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Lorsque vous gênez vous, soyez discret. Que le visage soit toujours joyeux. Serein. Soyez positif. Il ne faut pas prendre un air tout triste. Abattu. Affaibli. Non. On n'a pas besoin de toute cette morgue-là pour faire comprendre à Dieu qu'on est en train de jeûner. On se traîne mal comme si on était devant le cadavre d'un être cher qu'on avait gardé dans la morgue et qui est venu le moment où on veut sortir ça et tout le cœur est en état. Il y a l'émotion vive. C'est pas comme ça, frère. Il ne faut pas devenir trop préoccupé comme ça. Comme si vous attendez de voir apparaître pour la dernière fois le cadavre de notre cher. Nous, c'est le moment où on va le mettre dans la tombe. Et tenez-moi, je vais me crouler. Oh, je ne saurai pas. Regardez. Oh, frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que vous jeûnez. Il est interdit de prendre un air triste. Voilà l'enseignement de vérité ici. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Eux-mêmes, ils défoncent leur visage, ils défigurent leur visage. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Ça, il faut ça. Il torture et transforme leur visage là, c'est pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Vous voyez? Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leurs récompenses. Qui les a récompensés? Ce sont ceux-là à qui ils se montrent comme ça. Ceux à qui ils s'exhibent. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton corps. Mais yo, ceux qui ont copié la cabine, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Donc, ton apparence ne doit faire soupçonner à rien que tu as jeune. Que Dieu seul te voie. Lui qui connaît ton cœur et qui connaît les supplications et les besoins profonds du cœur. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc nous avons l'assurance que Dieu prêtera attention aux jeunes que nous manifestons de plein cœur. Et autrefois, au temps d'Isaïe, c'était le questionnement. Dans Isaïe 58, à partir du premier verset là, jusqu'au verset 5, crie à plein gosier, et ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Tous les jours. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Tous les jours, ils le font. C'est devenu une formalité, une coutume, une tradition, des habituations. Voilà tout ce qu'il y a. Et dans leurs jeunes routiniers, des jeunes de routine, et des prières formalistes, des répétitions des mêmes paroles, des mêmes discours, des mêmes formules de prières et de paroles, ils se questionnent même et disent, que nous sert de gêner si tu ne vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as pas égard, à quoi ça sert? C'est sans valeur. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Voilà les gens. Toute idée qui nous vient, nous commençons à pratiquer ça. Hein, comme si nous sommes devenus particulièrement spirituels à cause des jeunes qu'on a annoncés depuis les trois jours. Mais ce sont les penchants du cœur que nous sommes en train de manifester. Vous voyez? Et vous traitez durement tous vos mercenaires à cause de votre jeûne. Parce que quand tu as jeûne, tu deviens insolent vis-à-vis des autres. Et un langage trop dur, hautain, arrogant. Vous allez dire que le cas est un peu plus. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Profiter du jeûne pour se croire supérieur à tout le monde, supérieur aux autres, et commencer à manifester des actes de méchanceté et donner des coups de poing avec méchanceté étant sous l'abri de la prière parce qu'on est à jeun. Donc là, Dieu est forcément d'accord avec tout ce que je fais. Et comme c'est sous la jeun. Ça ne peut pas être ça. Ça. Donc on a fait pour qu'il en zambe à cause de la yango. Tala, donc qu'il a capillé il bobele, un point à pouvoir le n'empêche pas bouna na. Peu, bête na kana du butu ma boy. Vous voulez mais pour qu'il a ca les locaux dans mon timbre mon coquille. Donc à cause des jeunes, vous commencez à vous rendre vos semblables des actes d'iniquité, de méchanceté. On a pas vous voulez le faire pour appeler les gars là bas encore. On va nous consacrer bas comme on encore. C'est méchant et Dieu voit tout ce que vous faites là. Il ne peut pas vous agréer comme ça. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Et vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc vous ne gênez pas pour que votre visage soit vu des humains. Et chaque fois vous commencez à faire des tours pour vous faire remarquer. Oh, on ne dit rien. Mais on ne dit rien. Vous voulez que les gens puissent vous coter à partir de votre visage. Et tant qu'ils ne voient rien, vous allez encore défoncer, défigurer le visage pour revenir faire des tours, de défiler des morts devant eux. Et vous leur demandez s'il y a mal qu'est-ce qu'ils ont remarqué en vous. Est-ce qu'on jeûne pour être apprécié des hommes? La volonté de Dieu dans le jeûne, c'est que la voix de celui qui jeûne soit entendue en haut. Mais en haut. Voyez, vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour l'homme humilie son âme. Donc pas il brise son corps, mais il humilie son âme. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pour lever la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'éternel? Donc, on courbe la tête comme un jonc. Toute l'humilité n'est que du dehors de sa apparence. C'est comme une branche d'arbre, vous essayez de courber comme ça. Le type qui marchait, le regard est trompé, du coup il commence à marcher comme ça. Et Dieu dit, mais vous courbez la tête comme un jeune comme ça. Juste pour les dehors. Est-ce que c'est ça le jeune auquel Dieu prend plaisir? On commence à marcher lentement. Et puis on va dormir ici un sac. On est là, on a commencé à m'embêter tout. Nous avons beaucoup de temps, nous avons la tôle, on a fait caca. On se met un peu ma soeur. Tôle, on a fait. Et puis, tu te disputes avec les gens. Qui donne des coups de méchanceté aux autres. Encore, soi-disant, tu es sous le bouclier du jeûne. Tous ces scandales-là ne plaisent pas à Dieu. Comprenons que la volonté de Dieu dans le jeûne, c'est que l'être humain humilie son âme. Qu'il brise son cœur, il déchire son cœur et non pas ses vêtements. Que son esprit soit contrit. C'est ce que Dieu attend de celui qui jeûne. Et que la voix de celui qui jeûne soit entendue en haut. Non pas en bas sur terre. Faites en sorte que les humains sur terre n'en sachent rien. Mais que Dieu qui te voit dans le secret sache tout ce qu'il en est. Voilà. Est-ce que nous disons Amen? C'est pour ça que même pendant le jeûne, Dieu nous dit de parfumer notre tête. Tu viens à l'église, il ne faut pas défigurer ton visage. Ouais. Parce qu'on a dit les jeûnes de 3 jours ou de 2 jours. Ça n'a rien à voir. Sois serein, que ton visage soit rayonnant de joie. La joie du Seigneur sera votre force de la vie. Est-ce que nous sommes la vérité? Il y a même une brochure que j'avais écrite il y a beaucoup d'années là-dessus. Je n'ai un bon chrétien. Bon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quelques-uns d'entre vous là. Bon, il y a des serviteurs de Dieu, des prédicateurs et des pasteurs qui ne cessent de demander ça. Je suis même en rupture de stock, je n'en ai pas. Là, je ne sais plus quoi donner. Momentanément là, et tout. Bon, mais vous, les premiers bénéficiaires de ça, est-ce que vous prenez ça? Oui, pour jeûner et maîtriser cette matière du jeûne et pratiquer tout ça. Comme des frères l'ont dit il y a des années, Rocherwana, Tangona Banika Kotanga, Nassiri Sata, ne faut pas jeter, pour ça vous jeûnez et malamou. Moi, je résiste, ça, c'est un côté de la jeûne. Donc, ou Banika ou Tangi, non, pour ça vous jeûnez et gâte. Au côté, pour nous gêner. Là, nous solliciter. Hein? Est-ce que tu ne peux pas vivre la même chose? La parole de Dieu est ouainte. Elle est puissante pour notre bien. Mais si nous prenons ces choses-là comme des formalités, voyez, vous allez commencer à lire et vous ennuyer. Et pendant que vous lisez, le sommeil va venir et vous allez vous dormir jusqu'à faire des rêves. Et pour avancer, ça devient un problème. Nous ne souhaitons pas qu'il en soit ici. Nous voulons plutôt que chacun progresse avec Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Nous aimons tellement la manière de Dieu de faire des choses. Il conduit à merveille. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Que son nom soit béni et célébré. Que son nom Jésus soit glorifié. Alors, soyez dans la joie. Et même dans les temps du jeûne, il nous est recommandé d'avoir notre sérénité, la gaieté et la joie. Afin que nous ne sommes pas jeunes, soyons joyeux à l'église. Un jour on avait demandé à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Il a dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est là? Mais un jour l'époux leur sera enlevé. C'est alors qu'ils jeûneront et prieront. Et un jour est arrivé effectivement où l'époux Jésus-Christ a été enlevé de devant leurs yeux. Et c'est ce que nous avons lu ici pour introduire la prédication dans Actes au chapitre 1er. Jésus a été enlevé du milieu des humains, du milieu de ses disciples, pendant qu'il le regardait s'en aller. Là, c'était à la fin des événements liés à sa première venue. Il est descendu de sa gloire. Il est venu sur terre. Il est né dans une crèche. Dans la mangeoire des brebis. Il est né dans la plus petite ville qu'il y avait en Juda. Du nom de Bethléem. Il est né comme un agneau, innocent et sans péché. Il est né comme un enfant de pauvre. Il avait ni richesse ni éclat autour de lui. Il n'a jouit d'aucune layette spéciale. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a vécu une vie d'amour divin. Il a vécu pour nous aimer les pécheurs. Pour montrer qu'il nous a aimés. Et que notre vie était plus importante que sa vie à lui. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà le résumé de son parcours sur terre. À travers tout cela, il nous a montré qu'il nous a aimés. Et en vivant, il nous a aimés. En mourant, il nous a sauvés. Lorsqu'il fut enterré, il a emporté nos péchés, nos iniquités trop loin. En ressuscitant, il nous a justifiés. Nous qui avions placé notre espérance, notre conviction, notre foi en lui. En ressuscitant, il nous a justifiés. Et puis il a été enlevé au ciel. Non pas comme une pensée de plaisir. Mais il a été enlevé au ciel. Pour aller nous préparer une place. Tout pour notre bien. Et il a promis que lorsqu'il en sera, il s'en sera allé. Et qu'il aura apprêté la place, il reviendra pour nous prendre. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ça, c'est évident et c'est aussi vrai. Et pour nous qui attendons cette promesse, nous savons qu'il revient bientôt. Il reviendra pour nous prendre. Mais il y a une autre catégorie de gens qui n'attendent pas du tout l'enlèvement. Ils ne se préparent même pas à l'enlèvement. Mais ce sont des humains sur cette terre au moment où nous parlons ici. C'est un peuple bien identifié qui n'attend pas l'enlèvement. Enlèvement que vous et moi nous attendons. Enlèvement auquel vous et moi nous croyons. Enlèvement au ciel auquel nous nous attendons. Mais il y a un peuple sur cette terre qui n'attend pas du tout cet événement. Car il n'en est pas concerné. Savez-vous sur lequel? À part les dénominations chaotiques et apostates qui ont rejeté la foi originale. Savez-vous que le peuple sur terre n'est pas en train d'attendre l'enlèvement? C'est quel peuple? Le peuple d'Israël. Vous direz, mais la Bible est venue de chez eux, comment ils peuvent ne pas s'attendre à l'enlèvement? Justement, Dieu a un programme pour chacun de ses enfants. Amen. Dieu a un programme pour chaque peuple qui l'appelle. L'enlèvement au ciel ne concerne pas le peuple d'Israël. Il concerne pas la nation d'Israël. Il ne concerne pas non plus les 144 000 qui seront scellés, Israélites qui seront scellés. Ce programme-là ne le concerne pas. Mais regardez l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Il a programmé l'enlèvement pour l'église des nations. Pour vous et moi, d'entre les nations. C'est nous qui serons enlevés. Nous sommes les connaître la main. Qui dit amen à venir. Nous serons enlevés. Un de ces quatre matins. Et il envoie William Branham avec un message de préparation avant que son retour ne s'accomplisse. Le retour axé sur l'enlèvement de l'église. Alors, ce Jésus-là, dans Actes chapitre 1, comme on l'a lu, c'était sur la montagne des Oliviers où ces choses se sont passées. Actes chapitre 1, verset 10 à 12. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, 10 milliers de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Yesu oyo moko oyo alongwe na binoko matama na likolo akoya kabobele bongo na motindo emoni bino ye kokota na likolo na sima balongwaki na ngomba na bilaya kozongaka na Yerusalema ngomba yango ezali pene pene na Yerusalema mosika lokola mobembo na mokolo moko na sabata. Donc là d'où Jésus-Christ a été enlevé, là au-dessus de la montagne, la nuée l'a dérobé à ses yeux. Ce n'était pas sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Ce n'était pas sur le territoire du Canada. Ce n'était pas sur le territoire du continent africain. Mais cet événement s'est déroulé sur la montagne des Oliviers. C'est là où ils étaient ensemble, Jésus-Christ et ses disciples, pour se revoir là. Faites-le sur la montagne des Oliviers. Et cette montagne se trouve où? Elle se trouve près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Près de Jérusalem. Voilà la montagne en question. Et il a quitté la terre en soulevant ses pieds, qui était posé quelques moments avant sur le sol de la montagne des Oliviers. Et de là, la puissance divine l'a soulevé, a continué à l'enlever pendant que les disciples le regardaient. Arrivé à un niveau plus haut là-bas, et la nuée est venue l'envelopper pour empêcher aux disciples qui regardaient de le voir. Et des hommes vêtus de blanc sont apparus pour leur dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel, 10 milliers de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand j'ai déjà dit ça, les disciples se trouvaient encore présents sur la montagne des Oliviers. Et ces disciples de la montagne des Oliviers, pendant que leur pire était sur cette montagne, que les deux hommes leur ont annoncé cette promesse. C'est Jésus qui venait d'être enlevé là, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Qui dit amen à la vérité? Notre méditation ce soir, c'est la seconde venue de Jésus-Christ sur le nuée. La seconde venue de Jésus-Christ sur le nuée. Quand il est venu la première fois, il n'était pas venu sur le nuée. Quand il est venu la première fois, il est venu naître dans une crèche. Il est venu sous forme d'un bébé nouveau-né. Quand il est venu la première fois, Il apparut comme un homme ordinaire. Comme un simple homme. Parmi les humains. Et nous savons que c'est vrai. Mais il a fait une promesse ici. Qu'il reviendra une seconde fois, mais sur des nuées. De la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. C'est-à-dire une nuée l'ayant enveloppé. C'est de cette manière-là que vous le verrez revenir. Il dit amen. La seconde venue de Jésus-Christ sur les nuées. Et ces nuées ne se sont pas produites n'importe où. Ce n'était pas dans n'importe quel pays. Mais c'était près de Jérusalem. Là-bas en Israël. Sur la montagne de. Sur la montagne de. Ce n'était pas en Arizona. Ce n'était pas sur la montagne du soleil couchant. Appelé en anglais Sunset Mountain. Ce n'était pas ça, mais c'était sur la montagne des Oliviers. C'est de là que la promesse a été proclamée. D'un retour de Jésus-Christ, de la même manière que vous l'avez vu partir. Et quand est-ce que cet événement va-t-il se réaliser? Quand est-ce que cette promesse va-t-elle se concrétiser? De la même manière, parce que nous avons ici dans Hébreux chapitre 9 une autre promesse. Hébreux chapitre 9, nous voyons ceci au verset 27. À 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Bon, Patrice. Awa esiliye kotombwa mbala moko pona komema kama sumu na bato mingi akomona na mbala na mibale mpona masumu te nde pona kotiki sabango bazali le kotile la ye na mposa wewe bazali kozela ye pona lobiko na bango ceux qui l'attendent pour leur salut wewe ba kozela kaye pona lobiko na bango ceux qui l'attendent pour leur salut wewe ba kozela kaye pona lobiko na bango il leur apparaîtra une seconde fois akomonisa pona bango mbala ya mibale atabula bazali wana à ceux-là qui l'attendent pour leur salut. Jésus-Christ apparaîtra à eux une seconde fois. Vous savez que jusqu'à présent, le peuple d'Israël continue à attendre le Sauveur. Cherche encore le salut parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie Christ. Pour eux, Jésus qui était venu n'était pas le Christ. Ils l'ont rejeté, ils l'ont d'ailleurs crucifié. Mais une promesse subsiste encore. Ici dans Romains chapitre 11, il est écrit ceci au verset 25 à 27. Romains 11, verset 25 à 27. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Bandeko, nalingita te bozanga kososola likambo libombami awo. Bongo, bamukumisa pona mayele na bino pezati. Makasi na motema epoeli ndambo na isalela kino na mutu ya mobimba na bapakano bako kana kuhingela. Verset 26. Et ainsi, tout Israël, non pas a été, mais sera au futur sauvé. Amen. Sera sauvé. Bongo, isalela mobimba, isalitete basila kasi bako, bako bika. Le salut d'Israël est du domaine futur. Jusqu'à présent, bien que nous nous prêchons et nous croyons l'évangile, mais le salut de la nation d'Israël est encore futur. Même s'il peut y avoir parmi les juifs quelques individus qui croient personnellement, cela n'engage pas la nation, ne concerne que les individus qui croient à titre personnel. Amen. Paul lui-même qui écrit ces choses était un Israélite, mais qui a cru l'évangile. Paul lui-même a dit qu'Israël sera sauvé. Et pourtant, l'évangile, quand il nous a confié, le Seigneur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Le même Paul écrit ceci, vous le savez. Romains 10, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà ce que c'est. Les croyants d'entre les nations ou d'entre les juifs à titre personnel qui entend l'évangile et croit, il est sauvé. Amen. Mais le problème est que Dieu ne traite pas avec Israël de la même manière qu'il traite avec nous les gens des nations. Quand Dieu traite avec Israël, c'est en tant que nation. Mais quand il vient parmi les nations, c'est à titre individuel. Et à ce moment-là, même les Israélites ici de leur nation d'Israël sont traités par Dieu au même titre que les gens des nations qui croient à titre personnel. Et quand ils croient, reçoivent le salut, Dieu ne les dénombre pas du compte de la nation d'Israël, parmi les sauvés d'Israël. Non, il est des nombres parmi les sauvés des nations. Amen. À titre personnel, il fera partie du corps de Christ, de l'église des nations. Et il sera enlevé avec ceux des nations quand Jésus reviendra pour enlever ceux des nations. Paul est l'un d'eux. Pierre, Simon, et l'un d'eux. Jean, l'écrivain d'Apocalypse, et l'un d'eux. Étienne, le martyr chrétien, et l'un d'eux. Tous les disciples qui ont cru en Israël sont partis de ce groupe. Louange à Jésus-Christ. Mais n'empêche, Une partie d'Israël est tombée dans l'indifférence. S'il y en a qui ont cru à titre personnel, il y a une partie qui demeurera endurcie. Et cela demeure du côté de la nation d'Israël qui attend encore d'être sauvés. Revenons à Romains 11. Verset 26 maintenant. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Mais qui est ce libérateur annoncé ici? C'est la même personne qui était venue la première fois. Et qu'Israël avait rejeté les contestés. Qu'ils avaient même crucifié et pressé. La même personne qui va venir ici. Mais seulement il va leur apparaître une seconde fois. Non plus dans cette apparition-là, il ne viendra pas de la même manière qu'il était venu la première fois. Où une vierge devait concevoir. Et enfanter un fils au cœur et donnera le nom d'Emmanuel. Pas de cette manière-là. Et il devra apparaître la seconde fois. Ce sera avec des nuées. Ce ne sera plus comme un enfant nouveau-né. Il n'y aura plus de vierge qui concevra pour la santé. Mais il viendra sur des nuées. Tout droit vers le même peuple qu'il avait rejeté la première fois. Et certainement que la seconde fois, ils auront la facilité de le reconnaître. Car là, il viendra dans la puissance de sa divinité. Car il est venu comme un enfant, comme un homme ordinaire, ils ont eu pas mal de problèmes pour concevoir que ce soit lui. Et ils connaissent le Dieu de Moïse, le Dieu qui apparaît dans la nuée des gloires. Cette nuée qui s'éteignait sur le tabernacle du témoignage. Cette nuée qui apparaissait dans la journée, dans la marche au désert. Cette nuée qui s'est transformée en colonne de feu la nuit. Même qu'ils ont boudé. Qu'ils ont corrigé. Je vais vous dire que c'est le même qui reviendra. Car les deux hommes ont dit que Jésus que vous avez vu allait au ciel, reviendrait de la même manière. Et ces événements ont eu lieu sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem. Et ça s'accomplira un jour en Israël. De nouveau sur la montagne des Oliviers. Jésus reviendra là avec des nuées. Écoutez ceci. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera les Jacob, les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Les gens des nations. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Un libérateur viendra pour Israël. Et il va sauver tout Israël. Toute la nation. Elle sera sauvée comme prévis. Dieu l'a écrit, nous ne pouvons rien changer. Et à cause de cet événement-là, nous trouvons Apocalypse 1, verset 7, 8, dit ceci. Comme ceci est important. Apocalypse 1, verset 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, il le verra. Vous voyez ce qui est dit? Quand il vient avec des nuées comme ça, tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Non pas une photo de lui, mais lui-même. Sur la montagne des Oliviers, ce n'était pas une photo qu'on baladait là. Et c'était Jésus lui-même en personne. Auquel les disciples regardaient. Et c'est le même qui va revenir. De même qu'ils avaient jeté les regards sur lui pendant qu'il allait. De même quand il va revenir avec les nuées, tout œil le verra. Et il est précisé, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Pendant qu'il sera en train de venir pour la seconde fois, mais avec les nuées, non plus dans une crèche. Tout œil le verra. Tout œil de tout homme, de toute nation, le verra. Y compris ceux qu'il avait percés, c'est-à-dire les Israélites, les verront au même moment que les gens des nations, pendant qu'il sera en train de venir avec les nuées. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est bien dit, hein? Il n'y aura pas de tribus exemptées. Toutes les tribus, y compris les 12 tribus d'Israël, y compris toutes les autres tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre, en le voyant comme cela, se lamenteront à cause de lui. Je vous pose la question. Est-ce que cette promesse est-elle déjà accomplie? Non. À moins d'être un falsificateur de la parole. Pour commencer à spiritualiser et mystiquer tout. Non, c'est déjà arrivé spirituellement. Bon. Arrêtez. toutes les tribus de la terre. Dieu ne ment pas dans ses promesses. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Lorsqu'il reviendra sur la montagne des oliviers, mais avec des nuées. Non plus un bébé dans la crèche, mais le super puissant. Et le Seigneur ajoute, oui, amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Quand il revient comme ça, il n'y a pas un bébé dans la crèche. Un agneau qu'on va immoler. Mais c'est le Tout-Puissant qui vient. Mais avec des nuées. Avec des... C'est la vérité.